santé de tous mes frères. Aux bons souvenirs, aux années passées, à toutes celles encore à faire. Pour ceux qui étaient là hier et ceux qui seront là demain, soudés comme les doigts de la main, pour ceux qu'au plaisir je la serre. Casse-tête à tous les bras cassés, à toutes les soirées passées, tous les murs baisés, tu connais le nom du groupe, hein. Pour tous les frères, je prends le big. Si tu les croises dans la hure, tu peux clair connaître sa plein de peinture et spliff au bec. Flamme mon équipe, des mecs qui errent sans cap, les bombes dans le sac, baisse les képis à grands coups de fat cap. C'est pas un film de cap et d'épée, mais on est masqué comme Zorro. À cheval sur les principes, signe les noms à la pointe du scapot. Des mecs qui ont besoin d'air pur, une bande de mecs qui saturent. Envoie le cerveau sur Saturne, coupé de whisky et verdure. Y'en a des tranquilles ou vénères, des jeunes ou des plus vieux. Zonage était comme hiver, beau temps et jour pluvieux. Le système nous a blasés, on noie la rage et dans la poisson. Des mecs qui ont rien besoin, taille à la main, esprit sous le bouson. Placé par la France et Sarko, on s'en baiser, c'est sur cas. Prêt, on sort la Turpin, contour hotline et sur cas. Là où y'a trop de keufs, plus de kiff, trop de stress, mais pas de strass. Rien de sensé, ni de sans sas. Là où on étouffe, dans la fumée des usines, sous le poids de ce putain de système, sous le bruit des sirènes, dans ce putain de monde où la police est reine. Aujourd'hui, je lâche du fénère, parce qu'on pète les plombs, marque ce béton, ce quotidien qui est pas prêt de finir. Cette spirale infernale, toutes ces inégalités, de voir mes frères dans l'illégalité, un texte qui est là pour faire mal. On est déçus, on cherche l'issue de ce monde basé sur les sous. Quand t'essaies de monter, ils descendent, pas besoin de te faire un dessin. Un son pour partager cette rage, un son qui lève le majeur, un son pour mon entourage, pour redonner force et courage.